On parle de gangbang style. Il n'y aurait pas de gangbang style si ça n'avait pas été du sacrifice des Canadiens, des membres des Nations unies qui se sont alliés avec une résolution pour faire en sorte qu'on repousse le communisme. Open Gangnam Style! Nomination au Gala des Oliviers et ça tombe bien, il adore bien s'habiller, il a un très beau rameau, Olivier Rameau. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier! Hey boy! Une joke de Rameau? Ah, une joke de Rameau? Ouais, ça t'arrive à votre âge. Hey, bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de l'arrestation du Al Capone de la Couronne-Nord. Ouais. Hey, Gilles Vaillancourt, bonsoir tout le monde! Fred Savard, bonsoir! Bonsoir! Hey, mais moi, là, depuis jeudi, moi, j'ai les jambes sciées. Ah ouais? Je n'en reviens pas de ce qui se passe à Laval. Là, franchement, c'est pas une surprise. Non, moi, c'est, en fait, ce que j'en reviens pas, c'est du temps que ça a pris pour l'arrêter, ah, monsieur. Ouais, non. Hey, non, mais je veux dire, il manquait-tu vraiment de preuves? Pour vrai, là, il me semble qu'avec toutes les découpures de journaux que j'avais, j'aurais pu avoir un mandat d'arrestation. Non, mais moi, j'ai une pensée pour Gilles, parce qu'il pourra pas célébrer la fête des mères dimanche. Un autre jeu de mots. Non, ben, gars! Ils célébreront comme les Vaillancourt savent le faire. Hein? Ah ouais. Ils flocheront des fleurs dans les toilettes. Et voilà. C'est le même qui envoie les cadeaux, aux autres familles, là. Hein, gars, des beaux cadeaux. Hein. C'est ça, oui, il y en a plusieurs. Enfin, n'empêche, on est content. On est content parce qu'enfin, justice est faite et le monde peut reprendre son cours normal. Et ça me rassure. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire regarder le PQ reculer. Ah! Ça, c'est le fun. Non, mais hey, on rit, là, mais là, on s'est habitué quand même. Y a-tu quelque chose de plus le fun que de s'asseoir avec une grosse bière, hein, puis se bercer en regardant le PQ reculer? Ouais. Hein? Il s'agit de pas s'asseoir en arrière quand même. Hein? Ah, mais ça, il n'y a pas de danger quand même. Il n'y a plus grand monde en arrière du PQ. Non, j'avoue. Franchement, il n'y a vraiment plus de danger. Toujours est-il qu'on vient de reculer encore une fois sur autre chose. Hein? Cette fois, c'est les redevances minières. Ben, oui. Hein? Pendant la campagne, on parlait de quoi? 300 millions hein, dans les coffres. Et là, je pense qu'on est rendu à 50 millions si on est chanceux. Un petit recul. Les coffres ont rapetissé au séchage. Oui, non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au PQ, c'est encore des bas de laine. Ah! Et comme tout le monde le sait, les bas de laine au séchage, c'est ça, ça rapetisse. Mettre ça à corde. Ben oui, mais regarde, ils savent pas ça. Mais il y a de l'espoir quand même. Pauline nous a promis qu'elle allait respecter au moins une promesse électorale d'ici la fin de son mandat. Grosse promesse quand même, il va falloir se dépêcher, hein, puisque ça tire à sa fin. Tout un pari, comme on dit, effectivement. mais ça doit être pour ça, d'ailleurs, qu'ils viennent d'annoncer qu'elle a injecté 15 millions de dollars en soins palliatifs. Ah, ça c'était-tu dans le programme, ça? Je pense pas que c'était dans le programme, mais en même temps, ça risque de profiter au PQ, hein, parce que le soin palliatif, là, c'est ça, sont pas mal en phase terminale. Ouais, ouais. Non, mais en même temps, il y a de l'espoir. Là. Ils viennent de créer une commission d'enquête sur les événements du printemps dernier. Ça va plaire à plein de monde, ça? Justement, à date, ça plaît pas mal juste à la police. Ah, bon. Ouais. En même temps, tant que la police est contente. Oui. Puis on va lâcher, policiers. Ouais, ouais. Là. Ils nous ont donné. Là. Oui. Ouais. On va arrêter de déranger avec n'importe quoi. Là. On est en burn-out. Ben oui, regarde, ils ont le gun à terre. T'es en temps, ça traîne. Il y a un matraque qui traîne. Ah, ouais. Regarde, c'est pas le fun. Parlant de déranger, il y a le ministre des Anciens Combattants, Stephen Blaney, on l'a entendu tout à l'heure, hein, qui lui est allé de toute une déclaration. Ben oui. Hein? Hey, il nous a dit que c'était grâce aux militaires canadiens qui se sont battus en Corée qu'on peut danser comme des épais sur Gangnam Style. Et ça, franchement. Non, mais moi, je pense que ça va nous prendre une commission d'enquête sur l'armée canadienne. Là. Quoi? Mais pour empêcher un autre Gangnam Style. Ah, ben oui, c'est pas fun. Non. Ah, j'avoue que je serais prêt à une 4e guerre mondiale pour empêcher ça. T'es en train de chaîner mes bottes, moi? Ah, je suis prêt, Fred. Je suis en arrière de vous. Puis en même temps, ça va empêcher ça l'humanité. Et l'humanité, quand même, peut être contente, par exemple. Parce que la recherche canadienne est maintenant au service de l'industrie. C'est une annonce qu'il y a eu cette semaine. Au service de l'industrie. Fini la recherche fondamentale? Ben oui. Hey, on va enfin faire de la recherche qui sert à quelque chose. Ah ouais, ben quand oui, même. Oui, c'est vrai. Non, mais plus évidemment, les scientifiques capotent. Hein. On capote, ils trippent pas. Ils sont susceptibles, les scientifiques. Ils sont susceptibles. Mais en même temps, là, je veux dire, depuis qu'on connaît le Boston de Higgs, là, hein, est-ce qu'on vit mieux? Pas tant, tout. Non, mais vous avez raison. Est-ce qu'on vit mieux? Malgré qu'en salade, je trouve pas ça mauvais, moi. Oui, mais un filet d'huile d'olive. Un autre exemple de science utile, le ministre du gouvernement conservateur, Joe Oliver, nous a appris que, et ça, c'est une extraordinaire nouvelle, hein, nous a appris que les sables bitumineux sont une ressource renouvelable. Ah, ouais. Oui, renouvelable. Ça, c'est un scientifique, ça, Joe? Non, mais il dit des choses qui ont l'air scientifiques et c'est ça qui est important. C'est ça le truc. Oui, oui, oui. Mais oui. Comment ça marche, le cycle de renouvellement des sables bitumineux? Eh bien, je suis pas scientifique, hein, mais je pense que ça fonctionne comme l'eau. Ah là, bon? Hein? Ben, tu sais, ça s'évapore, le sable puis le goudron s'évapore. Là, bitume, ça, ça fait un nuage noir, puis ça retombe en asphalte. Oh, bon, bon. Ça, c'est des retombées économiques, ça? Oui, oui, oui. Il faut avoir un bon parapluie. Ouais. C'est la seule affaire. Parapluie fiscal. Fiscal, ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Sinon, ben, y a la NRA qui tenait son congrès le week-end dernier. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ben oui. 70 000 personnes. Une très belle fête. Ben une très belle fête. Mais il paraît qu'il y avait des tirs gratuits pour tous les enfants. Ah oui. C'est pas une blague. C'est reste des clowns. Oui, oui. Puis aussi pour les adultes, il y avait des effigies d'Obama et des effigies d'ex-blondes aussi. Puis je trouve ça le fun. Ben oui. Non, mais qui n'a jamais tiré sur une de ses ex? Levez la main. OK, tout le monde, baissez la main. Mais non, c'est une soupape, là. Oui, oui, c'est une soupape. Je trouve ça le fun. Eh oui, ben oui. D'ailleurs, la NRA en a profité pour nous présenter son nouveau président, hein, James Porter, qu'on dit modéré. Oui. Il aurait seulement 12 guns. Oui, oui. Et ça, regarde. Ça, c'est quand même juste 12 de plus que moi. Oui, oui, non, c'est quand même. Oui. c'est de l'espoir. Alors, nous, on n'a pas de guns ici, mais on a du gros calibre quand même. Hein. Oui. Vous avez vu le beau jeu de mots, hein? Beau lien, merci. On reçoit d'abord Michel Labrec, le président de la STM, qui est ici ce soir. Oui, oui. Oui, il paraît qu'il tripe sur le vélo, hein? Oui, bien en même temps, quand tu travailles à STM, Fred, t'as pas le choix de triper sur le vélo si tu veux arriver à l'heure à job. Ouais, ça, j'avoue. Je me sens mal de faire ce blague-là. Et que je me sens mal. Et on reçoit également l'écrivain haïtien Danny Laferrière. Ah, ouais. Il est pas québécois, lui? Je pense qu'il est aux deux. Ah! Je pense qu'il est aux deux. On va avoir le temps d'y demander de toute façon parce que la soirée est encore jeune. Eh bien, merci d'être à l'écoute de la soirée. Olivier Niquette, les internets. Oui, mais les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/la soirée, facebook.com/la soirée est encore jeune, et sur notre site radiocanada.ca/la soirée, où ils pourront entendre l'ancien lutteur Jacques Rougeau dire que si son fils était gay et venait souper avec son chum, il lui ferait la prise du petit paquet. Une autre époque. C'est moins pire. C'est moins pire que le marteau pilon. On suivait pas ça la lutte, nous. On a moins de 45 ans, Fred. Alors, toujours est-il que ça a été une grosse semaine. Hein? Grosse semaine d'actualité. Hey, tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler des trois femmes qui ont été retrouvées après 10 ans de réclusion dans un sous-sol de Cleveland. Ah, hey, ouais. 10 ans. C'est long. Ouais, surtout à Cleveland. Oui, effectivement. Mais en même temps, il n'y a pas que du négatif. Ça leur a permis, hein, à ces jeunes filles-là de rater une couple de désastres, comme par exemple l'Empire Bossé. C'est vrai. Hein? Camping Sauvage, ils n'ont pas vu ça, Camping Sauvage, eux ont. Hey, non, mais. Hein? Et le spécial de Noël de la petite vie. Non, excuse. Non, mais moi, j'allais regarder le spécial de la petite vie. M'a dit une affaire. Non, mais pour vrai, là, c'est une bouffée d'espoir quand même pour les familles des disparus qu'on n'a pas encore trouvées. Oui, tout à fait. Ça permet de croire qu'un jour, on pourra le retrouver, François Rebello, et ça me rassure énormément. Énormément. La CAQ a de l'espoir. Hey, vous le savez, hein, le maire d'Amos, ou vous le savez peut-être pas, je vous l'apprends, le maire d'Amos, Ulrich Chérubin, nous a étonné cette semaine en annonçant qu'il voulait participer à l'émission Le Banquier, c'est pas une blague, pour financer le 100e anniversaire de sa ville. Et ça nous a évidemment inspiré pour notre palmarès hebdomadaire. Alors voici donc 5 suggestions pour que le maire d'Amos puisse faire de la grosse argent. Ouais. En 5e position, devenir maire de Laval. Et voilà. Très... Bingo! Non. La fortune que tu peux te ramasser en faisant, c'est impressionnant. Ah ouais. Faut juste accepter d'avoir un casier judiciaire à la fin, mais bon. Un détail. Ça arrive à la fin. On peut avoir une belle vie avec un casier. Hey, ça arrive à la fin. En 4e position, aller voir un spectacle de Céline Dion avec Nathalie Normando. Et ça, non, mais c'est payant. Mais ça, c'est après le spectacle, je pense, ça devient payant. Oui. Voir à ce sujet notre 5e position. Ouais. Tout est dans tout, comme on dit. En 3e position, participer à Occupation Double, gagner et vendre la maisonlette. Ouais, va falloir qu'il aille au gym avant, mais au moins, il va sauver sur le bronzage. Il y a ça avec lui. Alors, en 2e position, devenir président du CA d'Hydro-Québec. Mais là, c'est pas si payant que ça, là. Ah, j'avoue, hein. Je pense qu'en fait, faut hériter avant. Ça, ouais, puis ça, c'est plus tough. Ça, c'est pas facile. Okay. Personne choisit son père, hein. Non. OK. En première position, ah ben oui, en première position, devenir animateur radio à la première chaîne. Ah oui. Ouais. Mais en même temps, quand j'y pense, c'est pas si payant que ça, Fred. Ouais, mais tu le fais longtemps en tabarouette. Ah oui, j'avoue que vu de même, il me reste bien 50 ans de micro. Ah, hein? Facile. Oh, oui. Fred, notre premier invité. Président de la STM, il a déjà été conseiller municipal et chroniqueur à l'émission Téléservice sur les ondes de Télé-Québec. Il n'est pas venu en métro, il est donc à l'heure. Accueillons M. Michel Labrec. C'est Labrec. On a de la bière, on a de l'eau, qu'est-ce que vous voulez? De l'eau? Je me tiens à l'eau. Vous, Vous êtes vraiment... vous avez participé à Téléservice. À Téléservice, oui, à Consommation également. J'ai travaillé avec Marie-France Bazot pendant 10 ans ici à Radio-Canada. Oh. Donc, j'ai mes lettres. Ben oui, c'est ça, que, c'est ce que j'étais en train de me dire. Puis là, j'étais en train aussi de me dire, coudonc, j'allais vous poser c'est la question. C'est vrai que je suis en vélo aujourd'hui. Ah oui, ben ouais. Ça me fait journée, tellement beau. Fait tellement beau, puis la côte descend. Donc, ah oui, c'est ça. Je vais remonter en métro. Ah oui? Oui, on peut prendre... Ah, avec le Bixi? Ben oui, non, je peux prendre avec mon vélo le métro. Le wagon du fond, hein? Le premier en avant. Ben voilà. Ouais. Celui-là qui est okay, parfait. Oui, c'est beau. Le premier en avant. D'accord, oui, non, c'est pas juste. Pas celui du fond. C'était pas loin. Ouais, non. C'est juste 9 voitures par là-bas. Toujours dans les extrêmes. 500 pieds de différence. Hey, Fred, il n'a pas pris le métro depuis 69. Ah oui, il venait d'ouvrir. Ça, c'est ça. Ça paraît. Ouais, je sais, c'est effrayant. Bon. C'est très fiable, le métro. N'empêche, ça fait longtemps que je n'ai pas pris non plus. Là, on rit bien, là, ça mais... Ça paraît aussi. Oui, non, je sais bien, non, je sais. Écoutez, je... Non, mais c'est parce qu'on est abonné aux journaux. Non, aussi, mais c'est parce que... parce que c'est une coiffeur de décapotable. C'est... Ouais, ben, voulez-vous que je vous dise? J'ai un scoop. J'ai... Là, premièrement... Le public est supposé être de mon côté, alors je vois pas le... Moi, j'ai accepté votre émission sérieuse à condition que je puisse dire ce que je pensais de vous. Parfait. Alors, je vais faire la même chose. En 2012, il y a eu plus de 1000 pannes dans le métro. 1000 pannes dans le métro de Montréal, ce qui nous donne une moyenne d'à peu près 3 par jour. Oui, ben des arrêts, 5 minutes, ouais, ben des fois une heure, oui. On appelle une panne. On appelle ça un arrêt de service. Oui, une panne et ou arrêt de service. Ça fait beaucoup, c'est plus que l'année d'avant. Ouais. Vous sentez pas tranquillement la grogne qui s'installe à Montréal? Vous sentez pas que les gens sont tannés? C'est-à-dire que quand il y a une panne en heure de pointe sérieuse, un arrêt de service qui est dû à nos responsabilités, oui, il y a de la grogne, mais je veux dire, on a des cas où c'est malheureusement des gens qui attendent à leur vie, on a des gens qui échappent des objets, donc on doit gérer ça. Mm-hmm. Mais entre notre système et ce dénombrement de pannes-là, puis le système qui marche mal à tous les jours depuis que je me lève et que j'écoute la radio, qui est le système automobile, je trouve que notre système, il y a une Il n'est bonne... pas si pire que ça? Il n'est pas si pire. Quand on a gagné le prix de la meilleure société de transport public en Amérique, les Montréalais ont dit qu'est-ce que ça doit être pour les autres. C'est ça, mais est-ce que c'est vous qui l'avez inventé, ce prix-là? on n'a rien à voir avec ça. Quand vous l'avez gagné, là? C'est l'American Public Transport Association qui nous l'a donné, parce qu'à Montréal... C'est une formule qu'on a au Québec de mettre des ne pas, donc on n'est pas si pire que ça. c'est sûr qu'on n'est pas si pire que ça, mais quand même, ça nous a surpris. Moi, je me rappelle quand j'avais lu ça, je me suis dit, mon Dieu, qui était en nomination avec vous, genre Détroit? Non, c'est toutes les grandes sociétés de transport à New York, Vancouver, Toronto. Donc, c'est pire que ça à New York? Ben, les mortalités, les accidents à New York sont pires qu'à Montréal. Montréal a un réseau qui est assez fiable, malgré nos voitures. On a des voitures parmi les plus vieilles au monde. Ben oui. Alors, on va les remplacer par des nouvelles. Et c'est pas parce qu'on n'a pas tapé du pied pour demander que ça soit changé avant. Des voitures qui datent de 1966, donc ça ne nous aide pas. Non, et moi, je le dis à chaque fois, je suis contre qu'on construise quelque patente que ce soit si on n'a pas l'argent pour réparer le métro qu'on a. C'est ça. Donc, ça prend de l'argent pour remplacer les fils et tout ça. Mais 1966, c'était des belles années, les années 60. Ben oui. Ça sent encore dans le métro. Ça sent j'étais encore. J'étais même pas une idée, moi. T'étais même pas une idée, même pas un concept. je sais bien. Toujours est-il que dans la presse, récemment, il y a un usager qui a publié une lettre, et vous l'avez probablement lu, et je trouvais les propos intéressants. Il disait « Il est temps, citoyens montréalais, de ressortir vos casseroles et de faire retentir le bruit jusqu'au bureau de Michel Labrec. » Là, écoutez la prochaine phrase. « Le Gérald Tremblay des transports publics. » Ça, c'est pas fin. En même temps, ça peut être fin si vous aimez Gérald, mais vous l'aimez, Gérald, vous. Oui. Ben là, on n'est pas venu parler de lui. Deuxièmement, on comprend que ce client-là est fru. Ouais. Donc, on va faire un sondage. Il aurait pu me comparer à bien d'autres personnes. Non, je pense que la différence de M. Tremblay, je sais qu'il y a des... Déjà, ce premier verbe-là est surprenant. Je sais qu'il y a des difficultés dans notre système de transport collectif. C'est non ben le fun, cette phrase-là. J'ai quasiment le goût d'arrêter là-dessus. Tu sais, partir sans aïe. OK. Toujours est-il que j'aime... Il y a bien d'autres affaires que je sais. Ah, oh, mon Dieu. Bon, ben, je pense qu'on va retarder l'arrivée de Dany. Je pense qu'on va... Non, mais... Ou l'émission va durer 1 heure et demie. C'est ça. Fred, pas de chronique, ça ne dérange pas. OK, excellent. Qu'est-ce que vous savez d'autre que vous voulez nous dire? Ben, je veux dire, si les gens ne savaient pas que la mafia avait été en train de blanchir de l'argent dans le système de la construction, puis ça, le monde, ils ne savent pas qu'il y a des Mercedes qui sont démantées en petits morceaux puis mis dans des containers dans le port de Montréal. Puis si le monde ne savent pas qu'il y a des bars à la rue Saint-Laurent qui marchent à la cocaïne, je veux dire, il y a des affaires comme ça quand on pose des questions. Est-ce que vous savez? Savoir, c'est une chose. Ouais. Après ça, avoir les preuves, mettre en accusation. Là, on a quand même le maire de Laval qui est accusé de brigantisme et de chef des brigands. Donc, vous avez dit de façon humoristique, moi, j'avais assez de découpures de journaux. Ben. Donc, mais c'est pas aussi simple. Donc, savoir, c'est une chose, mais passer à l'autre étape, qui est accumuler des accusations puis prouver en cours, c'est compliqué. Ben justement, vous voulez pas passer à l'autre étape, vous, et devenir maire de Montréal? On en parle, là, depuis quelques semaines. Pensez-vous que je serais venu dans une émission sérieuse comme la vôtre pour parler de ça? Ben, on a reçu Pauline Marois et regardez comment ça va bien depuis. Oui. C'est parce que j'ai écouté l'émission de Pauline Marois c'est que je retiens tous mes commentaires. C'est ça! Ah, que c'est fâchant. On devrait l'enlever des ondes, cette émission-là. Ah, ouais. Ça nous simplifierait juste beaucoup. Juste l'affaire entre nous. Les archives sur Internet maintenant, ah, ça vous nuit, je peux pas vous dire. Le problème, c'est Olivier, c'est lui qui s'occupe d'Internet en plus. Toujours est-il que les élections municipales s'en viennent. Non, je suis désolé, Fred, je vous coupe ça. Là. C'est beau. Les élections municipales s'en viennent. Vous avez dit que vous n'allez pas vous présenter à la mairie. Vous avez dit ça, hein? J'ai pas répondu à la question par oui et non. Okay, ben vous connaissez la physique quantique. On n'est pas capable de déterminer où sont les quarks. On a découvert le boson de Higgs, la chose. On va au moins savoir si vous êtes dans ta mairie. Oui, vous avez parlé du boston de Higgs. Pour faire une allusion à la salade, j'aurais pu ajouter avec des petits morceaux de fromage quark. Oh! Ben écoutez, Là, ce que vous nous dites, c'est que Denis Coderre aussi fait de la physique quantique. Vous allez avoir trois bonnes candidatures. Oh. Donc, déjà deux ont été annoncées, M. Bergeron, Mme Harel. Et une autre la semaine prochaine. Il y a amplement de qualités là. Bon. Chacune des personnes n'a pas toutes les qualités pour être maire. Soyez pas si dur avec M. Coderre. Mais moi non plus. Ce qui fait que je suis sûr qu'ils vont amplement défendre leur vision de Montréal. Et vous n'allez pas vous présenter contre Luc Ferrandez, tout le monde l'haïsse. Ben, ils ont tort parce que... Vous l'aimez donc? C'est pas une question d'amour. okay. C'est pas une question d'amour. Premièrement, il fait à peu près ce qu'il avait dit qu'il était pour faire. Oui, ce qui est assez surprenant. Deuxièmement, ça parfois, il n'y a pas le ton qu'il faut, mais il est appliqué. Ouais. Et dans le quartier, c'est comme lui-même le dit, c'est moitié-moitié. Donc, on se voit donc en novembre à la mairie de Montréal. C'est intéressant, ça. Qui n'a dit mot qu'on sent, hein? C'est ça qu'on dit? Je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez de mon silence. Ben, qui n'a dit mot qu'on sent, je pense que c'est ça qu'on dit. Vous restez avec nous, j'espère? Oui, je vais rester. Un bon verre d'eau, puis applaudir à vos... Vos niaiseries, c'est ça? Allez, dites-le. Non. Dites-le. Qui n'a dit mot qu'on sent? Et que je trouve ça bête. Je pense... Radio X Montréal, je sais pas si vous avez vu ça, il est allé d'un concours cette semaine qui a fait jaser pour la fête des mères, trouver la mère la plus sexy. Hein? Et en fait, c'est pas clair comme concours. Alors, on va écouter Kevin Gosselin de notre Radio X Jazz à nous expliquer ça dans des mots qu'on comprend. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, toujours du même bord. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des airs d'Ariane. Kevin Gosselin au microphone pour les 30 prochaines heures. J'aimerais apporter des précisions pour notre concours de la fête des mères. J'ai reçu plusieurs courriels à ce sujet. Comme vous le savez, nous sommes à la recherche de la MILF la plus chicks. D'abord, pour ceux qui l'ignorent toujours, une MILF est l'acronyme de l'expression « Mother, I like to fuck ». D'ailleurs, un auditeur m'a fait remarquer qu'une MILF chick est en quelque sorte un pléonasme. J'aurais bien voulu comprendre ce qu'est un pléonasme, mais malheureusement, tous les dictionnaires de la station ont été brûlés cet hiver pour chauffer le studio. C'est ce qui arrive quand les publicitaires refusent d'annoncer dans une station comme la nôtre, par peur des représailles de la gauche montréalaise, parce qu'on sait que gauche égale violence. Je vous rappelle d'ailleurs que dimanche, afin de dévoiler la MILF la plus chic, je diffuserai l'émission en direct du bar de danseuse La Grotte du Sexe. On invite les auditrices à venir nous rencontrer. Nous aurons une émission spéciale pour elles. On parlera de silicone et d'allaitement. On aura également un tatoueur qui a inventé une technique pour transformer les vergetures en œuvres d'art. Et bien sûr, je serai en chest tout au long de l'émission. Et toujours en hommage aux femmes et aux mères, on poursuit en musique avec une de mes MILF préférées, Diana Krall et la pièce Squeeze Me, sur le Radio X Jazz, le 91 Blanche. Je pense que c'est plus clair, là. Moi, il y a une chose qui me déçoit de moi parfois, c'est de ne pas relire tous les textes avant de... Enfin. Alors, Parce qu'on rentre au bureau le mercredi pour ça. Il n'est malheureusement pas mort tragiquement cette semaine. Et il n'a pas non plus été transporté par une violente maladie. Conséquemment, il est avec nous ce soir avec un topo qui n'a sûrement aucun rapport. Je suis très heureux d'aller rejoindre Jean-Sébastien Girard, notre reporter tout-terrain. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va super bien vous-même. Ah, ça va très, très bien. Mais vous, vous devez être un petit peu fébrile, hein? C'est-à-dire? Ben, la première fois que vous allez me rencontrer à vie, Jean-Philippe, c'est dimanche, parce qu'on va se voir dans le gala des Oliviers. Oui, c'est vrai. Parce que, oui, effectivement, parce que grâce à mes interventions ludiques et affriolantes, toute l'équipe de la soirée est encore jeune et nommée dans la catégorie émission humoristique à la radio. Bravo ouais. tout le monde! Ben oui! Faudrait pas trop vous donner de crédit non plus, par exemple, hein? Non. En même temps, je suis pas capable, je sais bien qu'on va pas gagner, hein? Je veux dire, c'est pas avec votre petit air fendant, les jokes de mon oncle Savard, puis le marmonnage d'Olivier Niquette qu'on va remporter une statuette. Mais j'ai décidé donc, conséquemment, de changer de job, une fois de plus, et d'offrir mes services aux émissions qui sont en compétition dans la même catégorie que nous, oui. pour que l'année prochaine, je puisse vraiment avoir des chances de remporter une statuette. Et je me trouve présentement dans le chic restaurant branché Le Continental pour distribuer des CV. On le sait, il y a plein d'humoristes ici, parce qu'il y a de l'argent, les humoristes, on le sait. C'est pas à la Binerie Mont-Royal où vous vous tenez, mon gros Vautier, que je risque de me faire des contacts. Mais, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas un maudit humoriste sur place. Alors, j'ai donc décidé spontanément de faire un vox pop. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Alors, ici, j'ai une liste des nommés dans la catégorie de la meilleure émission de radio humoristique. Oui. Dites-moi, d'après vous, quelle est votre émission favorite qui pourrait gagner? Est-ce que ça pourrait être La Soirée est encore jeune? Je ne sais pas cette émission-là. Non, mon pauvre monsieur. Bon. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça, mon pauvre monsieur. Mais parmi les autres qui sont là, que vous pourriez connaître, par exemple, ça pourrait être qui? À la semaine prochaine, il n'y a pas Stephen Harper là-dessus? C'est drôle, vous. Ben non, pas du tout. J'ai un autre monsieur qui est juste à côté de vous. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, je vous montre ici la liste des nommés. Qui pourrait gagner? Est-ce que ça pourrait être La Soirée est encore jeune? Honnêtement, non. Je pense pas, non. Good. Super. Et ce serait qui? Ben avec la liste que j'irais davantage avec les grandes gueules ou Réal Bellan. Oui, Réal Bellan, j'aime plus le jeu des mots. Alors, la preuve qu'on n'a pas besoin d'être drôle pour faire de l'humour, merci beaucoup. Hein? Alors, oui. Oui. Un autre auditeur exigeant. Donc, ça va pas bien, on le voit, hein, pour La Soirée est encore jeune, et parlant d'affaires qui vont pas bien, La Soirée est encore jeune, on s'arrête le temps d'écouter Fred Savard et je vous reviens tout de suite après. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Gauthier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui commence toujours à l'heure puisqu'elle ne prend jamais le métro. Non, on va arrêter, là. Ben, c'est vous moi qui dites. Moi non plus, j'ai lu pas un texte, on dirait. Ben oui, c'est vous qui dites. Fred Savard, avez-vous un billet à nous faire, là? Oui, oui, mais je veux revenir sur les rumeurs qui courent dans les médias depuis quelques jours. Nathalie Collard en a même parlé, profitons-en. C'est quand même rare qu'elle parle d'autre chose que du New York Times. Ainsi donc, un projet de loi serait l'étude, le projet de loi C-60 qui fera en sorte que le gouvernement conservateur prendrait le contrôle de plusieurs sociétés de la couronne, dont bien sûr Radio-Canada. Ouais. Ce qui voudrait dire que notre bon gouvernement transformerait la grande tour publique en grande tour d'État. Hein? C'est une notion quand même très importante, pour la plus grande joie de nos crypto-nazillons d'une certaine droite à la radio. Alors, plusieurs autres s'en inquiètent, mais pour ma part, je l'avoue, ça me donne la furieuse envie de jouer au larbin. C'est en vogue dans certains médias. On connaît même des gens qui en font de très belles carrières. Je ne les nommerai pas, hein, mais pour l'exemple, appelons-les Éric Duchesne. Je vais donc tenter de prouver que je suis d'allégeance conservatrice, ce qui me permettra de saluer mes prochains patrons d'un vigoureux « Heil » sans aucune gêne et développer « Hi », j'ai dit « Hi ». Hi! Sans aucune gêne, et développer ainsi des affinités qui me permettront, je l'espère, de conserver mon très, très, très, très lucratif emploi. Ah oui, j'ai donc oui. cherché toute la semaine, dans mes nombreux souvenirs de jeunesse, encore? Des comportements qui me feraient croire que j'ai effectivement de réelles accointances conservatrices, et j'en ai trouvé à mon corps défendant, moi qui le défend si peu des attaques extérieures, qu'elles soient bactériologiques ou surtout féminines. C'est beaucoup plus fréquentes, je dois le dire, mais là, je divague, et comme le disait Cousteau, divague, ça vous éloigne de votre destination. Alors donc, je crois me qualifier de bon conservateur, puisque je suis croyant. Alors là, je fais une... je m'ouvre, là. Oui, c'est vrai, je crois en une grande entité dotée de pouvoirs supranaturels. Appelez-le Dieu, Allah ou Marcel Aubu, le résultat est le même. Bien que Régis Labeaume ne dirait sûrement pas à Mahomet de se fermer le clapet. Je l'avoue, j'ai même déjà prié à tous les soirs jusqu'à l'âge de 11 ans, jusqu'à ce que je découvre les voluptueuses vertus de la veuve poignée dont je dois déjà parler dans une autre chronique. Bon, mais sinon... mais c'est véridique, je priais, j'étais naïf, j'allais au séminaire. Hein. Je priais en demandant à Jésus de faire de moi soit un athlète professionnel ou un commentateur sportif. Il faut dire qu'à l'époque, je me gavais des descriptions d'Alain Crête à la radio des Nordiques sur la bande AM du CKVL 850, bien avant que celui-ci ne devienne le caniche de Paul Arcand pour paraphraser certaines mauvaises langues qui, heureusement, ne sont pas ici ce soir. On peut bien rire du fait de prier, mais les conservateurs ont raison d'y croire puisque mes prières ont finalement été exaucées, du moins en partie, puisqu'à l'instar d'Alain Crête, je suis devenu moi-même le chien de poche de vous-même, oui, Jean-Philippe Vautier. Ouais. C'est quand même pas si mal, surtout que nous sommes en nomination au prochain Gala des Oliviers grâce à mes excellents textes. Cessons de nous raconter des histoires. Et en plus de croire à l'au-delà, j'ai une autre caractéristique conservatrice, c'est-à-dire que j'ai déjà cru à des choses loufoques autres que religieuses. J'ai déjà cru qu'un gris-gris pouvait faire gagner les Nordiques de Québec. Et là, tout ce que je vous raconte est véridique. Hein. Et c'était la même époque où je priais avant de m'endormir. C'était un vieux porte-clés que j'avais ramassé alors que mes tantes faisaient le ménage de la boîte à bijoux de ma grand-mère décédée. C'était un porte-clés à l'effigie d'un marlin bleu rapporté d'un précédent voyage en Floride. Et pour une raison que j'ignore, si je le tenais dans ma main gauche pendant tout un match, les Nordiques gagnaient. Ah. Bon, en même temps, je savais déjà que je ne pouvais abuser du stratagème puisqu'une saison de 80 victoires en 80 matchs, ça ne s'était jamais vu. Il fallait donc juste de discernement. Et ben, pour la petite histoire, là, j'ai même souvenance que mon père m'amenait voir un match des séries éliminatoires en 85 au Forum. J'avais amené le porte-clés, mais je ne comptais pas m'en servir par peur du ridicule. Oui, il fut une époque où j'avais peur du ridicule, mais cette époque est révolue. Ainsi donc, le match s'entend, mon porte-clés dans ma poche et bang! Larry Robinson ouvre la marque. Il n'en fallait pas plus pour que je sorte le porte-clés. Résultat final, 5-1 Nordique. Avouez que c'est comme croire que les dinosaures et Adam et Ève ont gambadé dans les mêmes pâturages. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'autres comportements qui pourraient prouver à mes futurs patrons que j'ai la trempe d'un Maxime Bernier, même si j'ai déjà eu du plaisir en Beauce, moi aussi. C'était lors du tournoi Bantam de Sainte-Marie-de-Beauce. Nous avions 14 ans et le fait saillant de mon tournoi fut d'avoir fait un gigantesque mooner dans l'autobus qui nous ramenait en direction inverse sur l'autoroute 73. Je ne suis pas sûr que le mooner est une valeur conservatrice, mais la direction inverse, ça, je commence à en être pas mal sûr. OK. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci. Ouais. Merci, peuple en délire. J'ai comme raté ma fin, mais j'étais comme pétri d'émotion. Ben oui, on c'est a vu ça. C'est des beaux souvenirs. Oui, ben, j'ai même pas vu, moi, que vous aviez manqué votre fin. Ouais, ouais. Non, j'étais en train de lire la presse. Ben, la presse plus. Ben, un moment donné, ça fait long, votre affaire. On va retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, bon, Jean-Philippe, comment allez-vous? Êtes-vous correct? Ah, tout à fait, tout à fait. OK, good. C'est long, hein? Ben oui, c'est long. Hey, le gris-gris, puis tout ça. Non, non. Bon. Ben, oui. Vous le savez, hein, je veux travailler pour une émission qui a des chances de gagner un Olivier. Je suis toujours au restaurant. Toujours pas d'humoriste. Alors, j'ai avec moi ici une madame ben normale, mais... Ah, oh, attention, juste une petite seconde. Oui. Ben voyons donc, c'est l'humoriste François Pérusse qui vient d'entrer. Ça parle, on verra. François, bonjour. Bonjour, bonjour. Ben voyons, vous êtes pas mort, vous? Ben je pensais bien que oui, mais quand je suis rentré au restaurant, je me suis vu, j'ai dit, je suis encore là. Incroyable. Honnêtement, François, je dois vraiment vous faire une confession. Je suis extrêmement impressionné de vous rencontrer. Quand j'étais tout petit, je capotais littéralement sur vous. Je me souviens, j'étais allé faire la queue au centre d'achat Place Bourassa à Montréal-Nord avec ma grand-mère dans un polisson. Polisson, ça, c'était un magasin de disques à l'époque. Vous vous souvenez, Fred Savard? Oui, je me souviens très bien. J'ai déjà signé des disques alors, chez Polisson. Oui, voilà. Alors, j'étais allé là pour faire signer ma cassette de l'album du peuple, tome 1. À l'époque, vous étiez à la radio, vous faisiez ce qu'on appelait les 2 minutes du peuple. Qu'est-ce que vous faites maintenant, toujours? Ben là, je vais traverser au restaurant d'en face. OK. Non, ce que je fais maintenant, ben là, je signe des ententes pré-funéraires. OK. Avec on vieillit. On vieillit quand même. On vieillit. Oui. Je prends pas de chance, là. Oui. Mais écoutez, je vous écoute, vous avez rien perdu de votre mordant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes nommé dans la même catégorie que nous. Dites-moi, est-ce que vous pensez que vous avez des chances de gagner avec l'équipe de C'est encore drôle? Ou si vous pensez que peut-être que nous, la soirée est encore jeune, on a des chances malgré notre gros handicap, si vous voyez ce que je veux dire. Ben, si votre collègue n'avait pas raté sa fin tout à l'heure, oui. Vous auriez eu des chances. Oui, ça c'est vrai, ça. Mais de toute façon, il peut la refaire. On la refait-tu? Non, non. François Pérus, j'aurai jamais assez de mots pour vous remercier de vous être arrêté. Je vous souhaite bon appétit et bonne chance. Ça me fait tellement plaisir. Dimanche prochain. Je vais même vous payer une bière, hein? Ah, ben, je dis pas non. Je dis pas non. À condition que vous essayiez de pas gagner. D'ailleurs, écoutez, je vous souhaite la meilleure des chances. Moi, à chaque fois que quelqu'un gagne quelque chose, je suis toujours content. C'est vrai. Mais il n'y a pas de chance que ça nous arrive. Inquiétez-vous pas. Oh oui, ça va vous arriver certainement. D'ailleurs, sinon, vous viendrez dans le parking, vous donnerez le mien. OK. Ben, on se reparle un peu plus tard, Jean-Philippe. OK, bye, hein. Faites la partie. Hey, bonne soirée! Écrivain d'origine haïtienne, le Québec l'adore et les femmes encore plus, puisqu'elles savent maintenant comment faire le grand mambo avec lui sans se fatiguer. Accueillons M. Danny Laferrière! Mon cher Danny, je vous voyais au loin boire une bière, je vous en offrirai une autre parce que je m'en ouvrirai une autre aussi, moi. Est-ce que vous voulez une autre bière? Danny, vous revenez d'Haïti, c'était les rencontres littéraires entre écrivains haïtiens et québécois, et vous étiez, vous présidiez entre ça. Les deux, oui. Entre les deux, vous étiez entre les deux, entre le 1er et le 8 mai. C'est ça. J'étais entre écrivains québécois et écrivains c'est haïtiens. C'est ça. Ouais. Vous êtes écrivain québécois ou haïtien? Quand vous allez là-bas, là, vous avez votre badge québécois ou votre badge haïtien? Je suis un écrivain japonais. Ah, c'est ça l'affaire. Ah. J'avais pas fait ma recherche. Tu l'as cherché. Je sais. Mais pourtant, vous avez pas l'air d'un japonais. Hein. J'en ai vu des japonais. Ben, je pense qu'ils étaient japonais. J'ai pas demandé leur carte. Mais vous avez pas l'air d'un japonais. Mais c'est ça qui. C'est la preuve que je suis japonais. Ah, OK, d'accord. c'est quoi? J'ai cherché à avoir l'air si je n'étais pas. Et la littérature haïtienne se porte comment en ce moment? Excellente forme. Ah, ouais. Parce que c'est dans l'écriture que les Haïtiens se sont lancés après les événements. Oui, tout à fait. Avant, c'était beaucoup dans la peinture aussi. On a eu une période de peintres et puis de musiciens. Et maintenant, c'est la littérature. Parce que la littérature permet de voyager. Les Haïtiens aiment bien voyager, voudraient bien voyager et voyagent. Ben justement, parlant de voyage, on parle beaucoup de tourisme en Haïti, c'est ancien. Oui, c'est vrai. Et est-ce que c'est bien de voyager en Haïti? Est-ce qu'il faut voyager en Haïti? Est-ce qu'on peut se lancer en voyage en Haïti? Ah, mais il faut voyager en Haïti, il faut y aller. D'ailleurs, les écrivains québécois qui ont été en Haïti, ils reviennent avec des idées complètement différentes d'Haïti, des images complètement différentes d'Haïti. Quand on va en Haïti, on ne peut plus dire des choses comme « j'ai pitié des Haïtiens, pourquoi sont-ils comme ça? Est-ce que Haïti va s'en sortir? Est-ce que Haïti va s'en sortir? » Au contraire même, ils cherchent plutôt des remèdes à leur propre maladie. Vous parlez des écrivains québécois qui s'en vont en Haïti? Je dis rien. OK, parfait. Mais quand je faisais des recherches, je me suis souvenu de vous avoir vu la première fois de ma vie. Un, faire la météo à TQS, mais deux aussi, vous avoir vu à 100 limites avec Pierre Brassard. On vous a laissé regarder ça. Ah ben non, mais attendez un peu! C'était tellement drôle. Et là, je me suis souvenu, mais mon Dieu, comment on fait pour passer de l'humour à écrivain à succès? Comment on fait pour faire ça? Ça fait 40 ans que Fred essaie de se sortir de là, lui. Et que vous êtes pour rire de vous, Fred. Qu'est-ce qui nous fait passer de ça, justement, de l'humour à écrivain qui fait pas nécessairement des... Ben, c'est pas des livres qui sont nécessairement tous tristes. Vous avez de l'humour dans vos livres, mais il demeure quand même que de faire une émission d'humour et de passer maintenant à un écrivain, un grand écrivain. Comment on fait la transition? Ben, j'ai fait de l'humour parce que c'était la manière d'être québécois. C'est vrai? Oui, on aime être drôle ici. Et puis donc, j'ai fait écrivain, c'est la manière d'être haïtien. C'est là votre hybride, en fait. Hein? C'est ça, fait, je comprends tout à fait. Justement, on va parler un peu de... Parce que ce qui est intéressant, c'est, voyez-vous, je vous ai demandé tout de suite, vous parliez de tourisme en Haïti, puis bon, le tourisme est en train de se développer, et je me suis dit, bon, c'est la bonne personne pour parler du tourisme en Haïti. Vous êtes maintenant l'haïtien de service. Hein? Vous plaignez d'être l'haïtien de service. Vous voulez pas vous donner ce job-là à quelqu'un d'autre? L'haïtien de service? Parce qu'à chaque fois qu'on a une question à vous poser sur Haïti, c'est vous qu'on appelle. Oh, mais je réponds pas. Hein. Ah non, vous répondez pas? Non, pas du tout. Vous n'avez pas de cellulaire? D'abord, je n'ai pas de cellulaire. Je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas dans Twitter, je ne suis dans rien. Et je m'étonne même d'être ici. Non, je ne réponds pas. Non, je n'ai jamais été haïtien de service. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai... Bien sûr, bon, les gens... On peut être ailleurs comme on veut. Les gens voudraient vous voir ici. Ouais. Non, mais je ne peux pas les changer. Hein. J'ai préféré changer moi-même. Et puis, si on vous pose la question, vous revenez justement de ce voyage-là. Vous avez été nommé roi de Petit Goave. Vous êtes le roi maintenant. Est-ce qu'on peut revenir sur le tourisme? Parce que c'est une idée. Hein. Moi, je trouve que c'est important, le tourisme. Regarde, je l'ai dit la dernière fois, deux peuples francophones, ça fait longtemps que les Haïtiens sont ici, il y a près de 200 000, et ils sont pareils, les Québécois et les Haïtiens, l'un est un champion de modestie, l'autre champion de mégalomanie, on ne sait même plus qui maintenant. Ah oui, c'est parce vrai? Oui, parce que les Québécois disent qu'ils sont les plus modestes au monde. C'est donc, oui, non, c'est complètement faux. Donc, c'est ça, c'est très mégalomane. Donc, je pense que ces deux peuples-là devraient se mettre ensemble, l'un et dans l'autre, puisque les Québécois veulent la chaleur, les Haïtiens ont la chaleur. Donc, je l'ai dit 350 fois, les Haïtiens n'ont rien, sauf l'indépendance. Les Québécois ont tout. Ils peuvent s'échanger des manières de faire. Donc moi je vois, alors à chaque fois je le dis, les touristes qui vont en République dominicaine, je les vois passer et dire, oui, ça oui. C'est à nous. Mais ça devrait être en Haïti, ça. Vous devriez être en Haïti, en fait. Un million qui vont en République dominicaine, je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont appris à parler l'espagnol. Un million, mais ça c'est à nous, là. Il faut les ramasser, ça. Mais c'est ça, je pense que ce serait une bonne chose. Vous restez avec nous, Danny. On a de la bière en masse, et puis on a quelqu'un pour les ouvrir. Fait que, il n'y a pas de problème. Écoutez, Fred, ouais? Vous êtes prêt à nous présenter notre prochain chroniqueur? Oui, oui. OK. En épicerie, le jambon est vendu en tranche, alors que la soirée est encore jeune. Il est donné gratuitement en son. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Ouais! Hey, vous riez, Olivier, hein, mais j'ai pour vrai du sang dans la main. Pas petit. Ben oui, mais c'est dur, ouvrir cette bière-là, allez-y donc. Ben, la fin de semaine dernière avait lieu le congrès de Québec solidaire, dans le cadre duquel le parti s'est choisi un nouveau chef en la personne d'Andrés Fontecilla, un nom bien, bien dur à dire. Monsieur Andrés Fontecilla. Oui. Non, pas Fonti, Fonté. Il s'appelle Andrés Fontecilla. Non, Fonté, pas Forté. Andrés Fontecilla. Fonté. Andrea Fontecilla. C'est ça. Non, c'est pas ça. Très monsieur Forcelli-là. Forcelli-là, Forcelli-là. Ah, puis laissez donc faire. Non, mais on le sait dans le fond, là, que faire semblant de pas savoir dire un nom, c'est montrer un peu de mépris envers une personne. D'ailleurs, la semaine dernière, Savard, ici présent, nous parlait de Jason Collins, ce joueur de la NBA qui a dévoilé son homosexualité. Oui, oui, oui. Eh bien, ça fera sans doute plaisir à Fred d'apprendre que tous ceux qui ont parlé de cette histoire sont eux-mêmes gays, selon Jeff Fillion. Et oui, encore le puissant lobby homosexuel qui s'impose. Et là, imaginez-vous comment ils sont puissants, comment vous allez voir, on les voit déjà, là, on voit tous les reporters que j'ai vus à CNN hier étaient visiblement gays. Ceux qui parlent du dossier sont visiblement gays. On le voit hein, par la carrure, la manière de se présenter. Et oui, la cinquième colonne homosexuelle s'est infiltrée partout, mais grâce à son gaydar, Jeff Fillion pourra résister à l'envahisseur. D'autre part, le Journal de Québec rapportait l'histoire d'un gars qui a mis une affiche sur des poteaux de son quartier pour avertir qu'un pédophile y vivait. Une belle occasion pour Gilles Proulx de mettre en doute le concept de présomption d'innocence. Bravo à cette personne. Quand un gars traîne pendant tant de temps et qui demeure présumé pendant tout ce temps-là, il crée une inquiétude parce que son dossier veut que même si c'est présumé. Alors, cette personne-là a décidé de mettre cette pancarte. Tu trouves ça correct? Bien, je trouve ça un petit peu gênant. Mais rendu à cette limite d'attente, je trouve ça normal qu'on plante une pancarte et dire « Hey, mais pas dans le quartier. » Ça fait 10 ans que ça traîne devant le tribunal et en Ontario, ça aurait été réglé en un an. Bon. Le seul petit problème, c'est que le présumé pédophile en question a été arrêté en mai 2012 et subira son procès en novembre. Hey, c'est dégueulasse ce qui se passe au Québec. On ressemble de plus en plus à l'Ontario. En tout cas, j'espère qu'Option nationale va se prononcer là-dessus parce que la loi et l'ordre, les libertés individuelles, ça, c'est dans leur corde. Mais Option nationale, ils sont à 3% et pour le moment, ils lèvent pas. Mais là, ils vont peut-être ramasser, je sais pas, moi, des souverainistes de droite. Ouais, mais c'est pas évident, eux autres, leur positionnement, c'est la souveraineté pure et dure. Et... Oui, mais avec une vision de droite, parce que je les vois pas se rapprocher de Québec solidaire quand même. Non. Bon, Pauloud pense qu'Option nationale est à droite, mais surtout, Jean Lapierre est bien d'accord avec ça. C'est sûr que quand t'alignes, c'est toujours de trouver que le Parti libéral, c'est le bout de la merde, t'as pas besoin de savoir ce que les autres partis proposent. D'autre part, Sylvain Bouchard de Cogeco et Mario Dumont ont trouvé bien ridicule que le nouveau plan Nord pour tous inclut des aires protégées aussi grandes. Voyons donc, comme si ça servait à quelque chose. Ça fait bien. C'est notre patrimoine naturel. C'est super important parce qu'on y va régulièrement. Moi, hier, je suis allé faire un tour dans le coin de Coudjouac. En fin de semaine, on va faire un petit tour à Fermont, dans le bois, me promener. Quand je vois les aires protégées à 50%, je trouve pas ça assez parce qu'il va en manquer. 400 km au sud-ouest de Coudjouac, en fin de semaine, il y a du trafic. Les Verts disent qu'il n'y en a pas assez d'air protégé dans le Grand Nord. Fait qu'il y en ait plus. Je comprends, on se marche ses pieds. J'avais niaiseux, moi, ça. Deux, trois wananiches intoxiqués ou des caribous qui tombent dans un ravin, c'est pas ben grave. Ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal. D'ailleurs, je suis sûr que vous vous portiez beaucoup mieux dans le temps que vous saviez pas que Sylvain Bouchard existait. Terminons sur une note de Coupe Stanley. Malheureusement, comme nous enregistrons le jeudi soir, je n'ai aucune idée si Canadien existe encore. Je n'en parlerai donc pas parce que, comme le dit si bien Pierre Houd, les matchs doivent être joués au complet avant qu'ils soient complétés. C'est pas complet tant que c'est pas complété. Et justement, ma chronique est complète là. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Il y a de ces phrases. Lui, il a bien terminé sa chronique. Lui, sait faire. C'est... Faut reconnaître les professionnels. C'est tellement vrai, Danilo. Le milieu est mou, mais la fin... OK, on enchaîne. C'est la chute qui importe, hein, on le sait. Hey Fred. Ah, c'est agréable, écoute. Merci encore pour la nomination, Olivier. La transaction Bell Astral est encore étudiée par le CRTC, mais ça inquiète beaucoup de monde. Hein. Rien de mieux qu'une courte publicité pour simplifier les enjeux et nous permettre de bien comprendre. On écoute. Monsieur Fib, faut que je vous dise, avoir un seul enregistreur pour toutes mes télés, là, ça me sauve la vie. Merci. Ah, de rien. De toute façon, madame, là, si le CRTC dit oui, c'est nous autres qui va vous offrir tout ce qu'il y a à télé. Wow, j'ai hâte que ça me coûte plus cher. Vous serez pas déçus. Hey, mon gars, il y a tellement d'émissions puis de films sur demande en HD. Malade. Attends de voir quand le CRTC va dire oui, ça va être encore plus malade pour nous autres. Avec Bell Fibre et bientôt Bell Astral Fibre, il n'y a pas juste la télé qui sera en haute définition, votre facture aussi. Vous êtes de mauvaise foi, Fred. Ben, c'est une bonne chute, au moins. Oui, oui. On va en profiter de celle-là. Jean-Sébastien, vous êtes toujours là, toujours? Ah! Jean-Philippe, toujours au Continental. Effectivement, la recherche d'humoristes qui pourraient éventuellement m'engager à des émissions qui, elles, sont véritablement susceptibles de gagner un Olivier. Oui. J'ai croisé François Pérusse. Et imaginez que je viens tout juste maintenant de croiser Madame Michèle Deslauriers de l'émission À la semaine prochaine. Sortez les effets sonores, les claquements de poing et les bruits de train. Tchou-tchou! Bonjour, Madame Deslauriers! Bonjour, bonjour. Bon, Madame Deslauriers, vous êtes dans la même catégorie que nous aux Olivier. Vous avez d'ailleurs gagné l'année dernière. Alors, oui. Je vous offre maintenant mon CV. Je peux facilement aller faire des imitations de Jean Drapeau et de Camillien Houd à votre émission, parce qu'on va se le dire, votre émission, c'est un immense succès. On est un peu, nous, jaloux de vous à la soirée T'es encore jeune. Vous êtes l'émission la plus écoutée à la radio de Radio-Canada. Vous faites genre 8,2 millions d'auditeurs. Puis nous, à part nos parents qui nous écoutent, quand ils sont pas couchés ou partis à la dialyse, ça s'arrête pas mal à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait changer à notre émission pour être aussi populaire que vous? Est-ce qu'il faudrait qu'on arrête de faire des blagues drôles? Ah, ben, je sais pas trop. Je pense que peut-être, je sais pas, en parler aux parents, aux amis, dire aux amis des amis, Facebook, je sais pas quoi. Oui, puis on offre de la bière, nous aussi. Pardon? Oui. Madame Deslauriers, en terminant, est-ce que l'émission à la semaine prochaine est de retour l'année prochaine ou est-ce qu'il y a un vieil animateur qui a décidé de prendre votre créneau? On est de retour l'année prochaine, oui, ça c'est certain. Pour une combienième année? Pour la... Attendez, je pense que ça va être la sixième année. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent été et on se revoit de toute façon dimanche sur le tapis rouge. On se prépare, on se fait beau. Moi, je pense que je vais aller me faire des massages, des pédicures, 3-4 liftings. En tout cas, je me prépare beaucoup, beaucoup. Mais je ne sais pas si je vais être fine ou si je vais être pas fine. Si vous devez être fine, vous avez l'air fine. Plus de bananes pour... Hein? Ouais. Si je suis fine, ben, ça va être les fleurs, les roses, tout ce que vous voulez. Bon. Non, je pense que ça va être une belle compétition. Oui, moi, je vais aller me faire un lavement barité tout de suite pour être bien mince et bien cuite dimanche, Mme Deslauriers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne vais pas penser à ça, excellent. Merci, Jean-Philippe. Hey, c'est super. On a hâte de te voir dimanche puis toute la quête, OK? J'espère. OK. Hey, puis en passant, c'est à 10h dimanche soir. Fait que... Oui, parfait, je vais être là. Arrive pas avant, OK? Ben oui. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Je pense qu'on est correct, les boys. Il va arriver plus tard. Fred, présentez-nous notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire est allé fouiller dans l'histoire canadienne. Question d'emboîter le pas au gouvernement conservateur. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Ben, Jean-Philippe. Ah, vous avez un livre de la reine? Ben, pas exactement. OK, bon, d'accord. On a appris que le gouvernement conservateur voulait étudier ce qui s'enseignait comme histoire au Canada. Je suis tombé opportunément sur le programme d'histoire des conservateurs qui traînait dans la corbeille d'un député. Arrêtez donc. Les députés, d'ailleurs, ont mis la main à la pâte. Et le résultat est, ma foi, spectaculaire, surtout avec la photo de la reine dessus, comme vous pouvez voir. Ouais. Ça commence, bien sûr, avec la création du monde 4000 ans avant Jésus-Christ. Dieu créa l'homme et les dinosaures, et ceux-ci prirent le pouvoir 6000 ans plus tard. Et dès le commencement, on précise que le ciel était bleu, l'enfer était rouge, et que c'est encore de même. OK. Et qui a découvert le Canada? Bon, alors, c'est en 1534, un certain Jack Carter, un gars envoyé par la monarchie, c'est bien souligné, qui a contourné Terre-Neuve pour aller planter une croix pour convertir les impies au Québec, c'est bien souligné aussi. Oui, d'accord. Il a fait la rencontre, écrit-on, de tribus primitives qui aimaient faire la grève de la faim et manger de la soupe, mais il était beaucoup moins attendrissant que des pandas. D'ailleurs, il y a des photos de pandas, c'est pas mal cute. OK. Puis la Nouvelle-France, tout ça? La Nouvelle-France, ça, ils ont classé ça dans les annexes. On nous réfère à un film tourné avec un gros acteur français russe. Une grosse minute du patrimoine. Et cette Nouvelle-France-là a pris fin entre quand les Anglo ont rossé les Franco, qui faisaient une autre beuverie sur les plaines d'Abraham autour d'un feu en chantant « Oui, oui, oui ». Les Franco, de ça? Là, l'expression « Bas Canada ». On peut lire d'ailleurs qu'ils font partie des deux peuples fondateurs, mais on aurait préféré des pandas, ça aurait été plus simple. D'ailleurs, il y a une autre photo des pandas. le Canada d'ancien arrive quand, là, Jean-Philippe? Ben, c'est ça qui est drôle. Moi, je pensais que ça avait été fondé en 1867, mais eux, ils disent 1812, quand une chocolatière vêtue d'une cape est allée avertir les futurs Canadiens que les Américains arrivaient. Des méchants mêlés qui allaient lire un socialiste noir deux siècles plus tard. Alors, okay, ouais. Après ça, saute puce en 1840 ouais. pour l'acte d'union qui transforme tout ça en colonie britannique. Puis ouais. là, il y a une photo de la reine qui flatte des pandas. Il y a eu la Confédération ouais. en 1867 ouais. où au début, on jouait juste à quatre équipes. Là, Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick puis avec podcast. Mais après, il y a un grand chapitre sur l'arrivée de la liberté en 1905 qui est venu sauver le pays du désastre. Ouais. Ah oui, hein? Ouais. Ah, c'était ben, vraiment de l'air intéressant, ouais. cette affaire-là. Puis là, on parle sûrement de conflits militaires. Là, c'est les deux tiers du manuel, à peu près. Il y a des sections okay. plastifiées, là, pour ceux qui aiment les uniformes. Ouais. la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée, rédigée par Stephen Blaney, le conflit asiatique pendant lequel les Canadiens ont combattu courageusement pour permettre l'émergence du Gangnam Style. D'ailleurs, la guerre de 1812 a également... la bataille de Vimy a permis notamment l'émergence de Jordi. Ouais. Celle de 1812, le chocolat, et celle d'Afghanistan aussi, les Joe Louis. Ouais. Puis le rapatriement de la Constitution, ça doit être là-dedans aussi, on est rendu là. Ben, en fait, Ottawa voulait en profiter pour dévoiler tous les documents pertinents. Malheureusement, ils ont envoyé Maxime Bernier chercher les documents, ils ne savent pas son où. mais Preston Manning a quand même rédigé la partie sur le nationalisme québécois et ça dit... Parce que Lord Durham a raté sa job qu'on n'a pas pendu enough patriots, moment où ceux que les Français prenaient de langue pour la parler de sensu, voulaient faire l'indépendance qu'il n'y a pas. Mais okay, Frog Stroop et Sue poursuivent le type 12, fait que voter une motion pour les Nordic Nations, puis ils ont fermé leur bouche pour regarder Guy Mongrain pour les yeux d'or. Ouais, c'est beau, je vais le lire dans le livre. Ouais. Puis la culture populaire? Ah, ben ça, on peut lire que le hockey est le sport national du Canada. Le hockey moderne est né avec l'intellectuel Don Cherry, ouais. avant les femmes dans les vestiaires et les joueurs européens faibles. Ouais. Et on peut lire aussi que Tim Horton a inventé le café, les beignes et les tasses destinées aux échanges de cadeaux dans les parties de bureau. D'ailleurs, il y a une section culturelle très intéressante ouais. où on trouve des photos d'occupation double de Justin Bieber, de Dominique Moret et de Kung Fu Panda. Ah, pardon. Puis l'espace, là, avec Marc Garneau, le premier astronaute canadien, j'imagine qu'on en parle un peu, ça. Marc Garneau... C'est le non. libéral du... Non, dans la catégorie space, il y a Rob Ford. Protocole de Kyoto non plus. Je trouve non. rien. À part une citation de Brian Mulroney. Ah oui? Mes coutons, ils ont-tu consulté des historiens? Ben, pourquoi ils ne consultent pas des scientifiques pour la science? Je veux dire, tu sais, l'histoire, c'est un peu comme le Bloc québécois. Là, on oublie vite que ça existait. Puis peut-être que le Canada, c'est pas le plus meilleur pays au monde, mais au moins, il y a des pandas. Merci, Jean-Philippe, c'est gentil. Ah! Une autre belle chute de chronique, et ça, ça fait du bien d'entendre ça. C'est déjà tout pour, c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret, puis on est de fou, puis on lit. Et ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge. Si vous voulez écouter notre émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez vous aussi venir assister à l'enregistrement, on fait ça les jeudis. Vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel et on va se faire un plaisir de réserver une place. Nos invités, Tasha Carradine, enfin quelqu'un de droite. Et un invité surprise. Oh mon Dieu! Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Ouais.